Les États-Unis et les autorités sud-coréennes envisagent de livrer depuis le 21 prochain les manœuvres Ulti-Fleet Mungadun pour l'agression contre la Corée du Nord. Le département américain de la défense l'a annoncé le 11 courant. Les bellicistes américains cherchent à camoufler la nature agressive des manœuvres avec des mots de routine et défensive et à susciter la frénésie de guerre.